t'as appris deux choses essentielles dans la vie. Quoi? Regarde-moi. Jamais balancer les copains. La difficulté à toucher ses objectifs peut te faire changer d'objectif. Ta tête dans le zoom des objectifs de police. Ton espoir de vivre livré indemne constamment en suspens. Rester secrète avec ça, mais ils ont choisi pour toi autrement. Autrement rester secrète c'est trop bon. C'est s'exposer à moins de contraintes générées par trop de gens. C'est rester près de sa personne, sa mentale, et s'écarter des faux plans. Secrète attitude, loin des laides attitudes qui te font perdre tes couilles quand tu perds de l'altitude. En secrète, la vie est dure, la vie est rude, comme de voir près de soi des milliers de sépultures. Toujours dans l'ombre, j'entasse des sons. Que tu sois pauvre ou bien que tu fasses des ronds, il faut que tu restes discret comme un dealer au fond du square Léon. Y'a trop de rapaces, me mets au sec et j'attends que l'orage passe. Si tu nous vises, bah nous rate pas. J'm'en fous de leur grosse bagnole et de leur iPad. On attend rien du rap pour ça, on a trop freestylé. Tu vas vite devenir taré. Dans le 18, t'as rien d'hospitalier. Tant qu'on se porte bien, on se moque. On nique la console, j'maîtrise voyelles et consonnes. Faut qu'on sorte sans sponsor. Tous mes potes sont saoulés, j'suis déjà au fond. J'ai plus de raison de couler. J'ai la tête pleine comme un 23 décembre dans les rayons de jouets. Il faut rester discret ou tu t'effondres sans crier garde. La violence remplit les gares, cerveau en vrac, même les cendriers craquent. Arrête de parader comme ça, ne me prends pas la tête. Ton maquillage ne rattrape rien, reste discret, fais pas la belle. On n'est pas dans la coque, Hugo Arcov, là une équipe hors pair. C'est pas des types modèles, je suis dans mon monde façon Bernie Noël. À force de flamber, de parler, tu seras attrapé, matraqué. Deux mois à Paris, ma ville va crrr. Tu peux là-bas qu'on t'a vu là-bas, ce jour-là t'as bien pas le nav. Reste discret, tu joues les bars, j'mets à la barre, t'es bien bavard. Et s'il y a plus d'air, je ressortirai pour disparaître au bled. La bouffe est de plus en plus chère, pourtant y'a de plus en plus d'obèses, aucune aubaine. À côté de moi, des pigeons qui roucoulent, vivent de ma zik. J'm'en bats les couilles, j'suis content de vivre tout court. Reste discret, vaut mieux pour toi. On n'est pas tous super gentils en banlieue. Si tu veux, garde pour toi. Ça te permettra dans une ambiance de rester discret, d'avancer sans contrainte, là où la poisse se mette. Jamais oublier, rester discret. Grâce à ça, certains enculés, personne ne peut croire tout ce qu'ils ont fait. Servir des clicos, faire de l'argent n'est qu'une cause. Quand tu prends goût, tu cherches plus autre chose. On vit bien et on arrose, une vie de chien qui devient rose. Discret, restez discret les frères, on se verra tous un jour pour faire autre chose. Pour faire autre chose, pour faire autre chose.